Dans la série des pièces oubliées, une émission de Bernard Zimmer, veuillez écouter « La vérité dans le vin » de Charles Collet. En voici la distribution. Bernard Blier sera le président Nacar. Germaine Montero, la présidente Nacar. Raoul Marco, Monsieur Dupuis. Raymond, Madame Dupuis. Obradi, Miller Cinderez. Claude Arlet, le maître d'hôtel. Et René Clermont, la Bay Kensington. Participeront également à cette émission Huguette Muller et Bernard Zimmer. Réalisation Henri Soubéran. La pièce oubliée que vous allez entendre aujourd'hui est une comédie. La vérité dans le vin de Charles Collet, né à Paris en 1709, mort en 1783, après avoir joui d'un bonheur qu'il devait à ses talents, à son caractère et à son estomac. Il mangeait bien, il buvait sec, il était gai. Il aimait à la fureur la comédie. « Je n'entrai pas dans la salle qu'il ne me prit un frisson de plaisir, disait-il. L'enjouement inépuisable avec lequel j'ai eu l'avantage de naître est la cause de mon idolâtrie pour Molière et La Fontaine et de mon goût pour le vaudeville. Comment se fait-il alors qu'aucune œuvre de Collet, que son nom même, ne figure pas dans ce théâtre choisi des auteurs comiques du XVIIIe siècle que j'ai là sous la main ?»« C'est que le choix des pièces dont vous parlez a été fait par un professeur et non par un homme de théâtre. » Professeur aussi, Joseph Bédier et Paul Hasard, qui, dans leur grande littérature, ne mentionnent pas, eux non plus, le titre de cette comédie de Collet, tandis que Stendhal regrette que l'Italie n'ait point de Collet et rien qui approche de la délicieuse gaieté de la vérité dans le vin. Stendhal, en effet, voilà quelqu'un dont la vie compte. Mais ce Collet, d'où sortait-il? D'une famille de robes. Son père, procureur du roi, l'avait dès sa naissance condamné au notariat. Dans son étude, le garçon, au lieu de rédiger des minutes, composait des couplets parmi les cartons verts. Devenu secrétaire de Monsieur de Melan, receveur général des finances, il se débrouilla pour s'assurer rapidement, il était bien placé, une fortune indépendante et à 37 ans commença à travailler pour le théâtre, sans succès, semble-t-il. C'est alors qu'il écrit dans son journal « J'entrepris de critiquer le théâtre, ne pouvant par moi-même ni rien produire. » Singulière sincérité que tous les critiques de profession n'ont pas. Enfin, un jour, Collet eut la chance de tomber sur un passionné de théâtre en la personne Auguste du duc d'Orléans. Lequel ? Philippe. Le petit-fils du régent, grand, gros, l'air d'un Allemand, mais entêté de comédie, jouant lui-même les paysans et les niais, aux côtés de ses maîtresses sur les trois scènes qu'il s'était fait construire. Une à Bagnolet, une faubourg Saint-Antoine, une autre faubourg du Roule et bientôt une autre encore à Villers-Cotterêts qu'il voulut celle-là parfaitement machinée, où l'on put jouer tous les genres, comédie, opéra, ballet. Collet eut alors fort à faire. Pour fournir de pièces nouvelles ces quatre scènes ? Exactement. Vaudeville, prologue, proverbe, comédie, dont voici quelques titres. Le mariage sans curé, l'amant poussif, Rasibus, Léandre et Talon. Vous voyez quel genre de spectacle défraya pendant 20 ans les petits théâtres duc d'Orléans et réjouit un public choisi en des représentations clandestines. Mais jamais, jamais les mauvaises mœurs de la meilleure compagnie n'ont été retracées avec une verve plus comique, plus audacieuse et plus entraînante que dans La vérité dans le vin, joué pour la première fois chez le duc d'Orléans à Villers-Cotterêts. Tiens, mais c'est également à Villers-Cotterêts que Molière avait donné chez monsieur la seconde représentation des trois premiers actes de Tartuffe. Villers-Cotterêts, centre dramatique alors. Oh, laissons de côté tout sujet de thèse. Lisez-nous plutôt ce petit chef-d'œuvre d'hypocrisie qu'est l'avertissement de Collet à La vérité dans le vin. Les désagréments de la galanterie est le titre véritable de cette comédie qui est plus connue cependant sous celui de La vérité dans le vin. Le but moral de cette pièce est la punition de la galanterie. C'est faux, puisque vous le verrez, celle qui fait le principal personnage arrive au contraire à ses fins. Continuez. C'est dans cette intention que l'auteur a chargé de ridicules excessifs les deux femmes galantes qu'il y a introduites. C'est dans cette vue qu'il fait passer la première par les dégoûts les plus cruels et les plus humiliants. Conséquemment, c'est pour cette raison que le vrai titre de cette comédie doit être « Les désagréments de la galanterie ». Pure grimace. Il faut bien amadouer les censures, avoir l'air de se ranger parmi les bien-pensants. C'est donc une fois de plus la vieille balançoire du castigat Ridindo-Moraes, corriger les mœurs par le rire que Collet met en mouvement. Comme si un auteur comique avait jamais eu la prétention de rendre les hommes meilleurs. L'avare a-t-il amendé un seul grigou? Ou Tartuffe empêchait le pullulement de ses pareils? N'est-ce pas? Commençons. Non, non, un instant. Je voudrais encore vous signaler qu'un des personnages figurait dans La Vérité dans le vin sous le titre d'évêque d'Avranches. À la première représentation, le rôle parut trop fort pour un évêque. C'était bien assez de l'abbé Libertin qui s'y trouvait déjà. Il fallut apporter des changements. De son prélat, Collet fit un Milord, mais il ne tarit point en regret sur ce sacrifice. Il en était inconsolable. Le personnage de l'évêque d'Avranches était plus vrai que celui du Milord, répétait-il, plus vrai et plus dans la nature. Et là-dessus, commençons. La scène est dans le salon commun à l'appartement du président et de la présidente. N'est-ce pas la fille de la marchande de mode? Non, c'est moi! Eh non, c'est ma chère amie, c'est Madame Dupuis. Comment, il n'y avait la personne pour vous annoncer? Bonjour, ma chère amie, bonjour, ma chère présidente Nacquart. Attendons, baisse-moi au-dessus de mon rouge. Et dites-moi dans mon cœur, il n'est pas midi. C'est un miracle de vous voir à ces heures-ci. Ordinairement, vous commencez à penser sérieusement à sortir du lit vers les 5 ou 6 heures du soir. Mais ma chère enfant, c'est que vous me voyez d'une inquiétude qui ne ressemble à rien. Je vous dis vraiment inquiète. J'ai fait mettre mes chevaux dès que j'ai été éveillée pour m'éclaircir avec vous si le mariage de mon fils, de Dupuis et de Mademoiselle Nacquart, de votre fille, est rompu, manqué, s'il n'en est plus question. Comment? Mais pourquoi serait-il rompu? Le contrat devait être signé aujourd'hui chez vous, n'est-ce pas? Et hier, de la journée, je n'ai vu votre bourgeois de mari. On doit s'attendre à tout de la part de ces esprits-là. Dieu me préserve de dire jamais du bien de mon mari, mais je ne crois point du tout que dans cette occasion-ci... Eh bien, en ce cas-là, si ce n'est pas votre mari, ma chère, je m'en prends donc à vous. Oh. Ce sera sûrement par les insinuations de M. l'abbé Kensington qui vous gouverne, vous et votre apoco de mari, que le mariage de Dupuis et de la petite manquera absolument. Je n'ai jamais eu le bonheur de plaire à ce réprouvé-là, moi. À l'abbé Kensington? Mais quelle prévention! Mais cela n'a pas le sens commun! Et non, c'est vous qui ne l'avez pas. Il faut que je vous le dise brutalement. Non, vous n'avez pas le sens commun, mon enfant, de vous être entêté sur ce petit prestolet-là. Oh, il y a longtemps que je veux vous ouvrir mon cœur là-dessus. Sur quoi? Écoutez, mon ange, je sens bien qu'il est établi actuellement dans la société qu'il faut vivre avec quelqu'un. On aurait l'air extraordinaire sans cela. Mais il faut que ce quelqu'un-là ait une certaine façon, ait un certain rang, certaines considérations. On me demande tous les jours, qui est-ce qu'il y a la présidente? Que voulez-vous que je réponde? Elle appartient à un petit Collet, à un capellan? Oh, ah, cela a grand air, voilà un beau ridicule. Oh. Oh, ce serait tout autre chose si c'était quelqu'un de marque, qui eût une maison, qui est un état. Comment, un état? Oui, madame, un état. Oui, un état. En un mot, il faut que l'amant ait quelque consistance. Cela excuse tout. Et cela est si vrai que lorsque vous débutâtes dans le monde, un peu même avant votre mariage, pour prendre Milord Cinderesé, l'oncle de Kensington, on ne l'a point trouvé mauvais. Au contraire. Et pourquoi? C'est que c'était un homme vraiment de qualité. C'était un amant comme il faut. Mais attendez donc. Est-ce que j'ai eu Milord? Allons donc! Mais cela a été public, tout le monde sait que cet Anglais a fait votre mariage avec M. Nacquart et qu'il avait de bonnes raisons pour cela. Et l'on a vu depuis Mademoiselle votre fille appeler constamment ce bon Milord son petit papa. Et comme je vous dis, cela n'a révolté personne, cela a paru tout naturel, tout simple. Je vous en ai donné la raison. C'est qu'il y avait de la dignité dans un pareil choix. Il aurait fallu avoir de l'humeur et beaucoup pour ne pas trouver cela décent. Un Milord, un pair d'Angleterre, un chevalier de l'ordre de la Jarretière. Mais madame, votre petite abbé, Mais savez-vous bien qu'il ne tiendrait qu'à moi de me fâcher? Et pour quelle raison vous fâcheriez-vous, ma chère amie? Vous peut-il tomber dans l'esprit de me cacher vos affaires pendant que je ne vous ai jamais caché les miennes et après l'intimité délicieuse dans laquelle nous avons passé notre vie ensemble? Vous avez oublié apparemment les divins soupers que nous avons faits pendant 2 ans à la petite maison de Popincourt, du temps qu'elle appartenait à mon chevalier de Malte, ce grand commandeur des croyants, que j'ai trompé, moi, dans ce temps-là. Quelle folie, mon Dieu, quelle folie! Non, non, je parle sensément. Et puisque nous sommes là-dessus, c'est que je veux que vous quittiez la baie. Vous ne connaissez pas ce personnage-là, mais c'est qu'il est horrible. Mais ignorez-vous donc son aventure avec la petite Saint-Usure? Il est vrai que ce n'était que la femme d'un notaire. Je n'en sais pas le mot. Mais dites-moi donc, dites. Mais mon enfant, il n'y a que vous à Paris qui ne soyez pas au fait d'une anecdote aussi rare. Il est vrai qu'il soupçonnait cette petite femme d'une chose hideuse. Elle avait empêché 2 fois son mari de mettre dehors une manière de valet de chambre qu'ils avaient et dont votre affreuse abbé était devenue jaloux. Fi, l'horreur, fi! Oh mon Dieu, fi, fi! Aussi, devinez un peu par qui il lui fit rendre sa lettre de rupture avec elle. Par qui? Par qui donc? Par un fifre et 2 tambours, oh. De ces gens qui donnent des aubades, de ces gens qui jouent des fanfares quand on a gagné aux petites loteries. Je n'en ai pas possible. Je vous dis que rien n'est plus vrai. Mais indépendamment de ces abominations-là, c'est que l'abbé n'est point du tout ce qu'il vous faut. Je vous chercherai quelque chose. Et j'ose dire qu'il y aura de la noblesse dans le choix que je vous ferai faire. Oui, oui. Et je veux que le public trouve cela bien. Je dis bien. Comment ? Après avoir vu chez vous pendant 20 ans la meilleure compagnie du monde, c'était tous des gens en place, des ministres, le marquis celui-ci, le maréchal celui-là, des petits ducs à la mode et les femmes avec lesquelles ils vivaient, c'était la cour et la ville qui fondaient chez vous. Quel charme peut-on trouver après cela et où est le mot pour rire de vous casaner comme vous faites avec un méchant lévite? Avez-vous tout dit, folle que vous êtes? Je vois bien que le meilleur parti est de rire de la sortie singulière que vous me faites là. Mais venons au fait. Je puis vous assurer d'abord que mon lévite, puisque lévite il y a, ne s'est jamais mêlé du mariage de ma fille. Quant à mon mari, je n'ai point vu le personnage depuis hier, mais je répondrai bien qu'il est toujours dans les mêmes dispositions. Et pour moi, malgré toutes vos médisances et même vos grosses calomnies, je puis vous jurer avec amitié, mauvais sujet que vous êtes, qu'on ne peut pas souhaiter le mariage de monsieur votre fils et de ma fille avec plus d'ardeur que je le désire. Oh, vous me rassurez absolument, ma chère amie. Vous me rendez la vie. C'est que mon fils est amoureux comme un fou de votre fille. Et moi, j'aime mon fils. Mais je l'aime comme s'il n'était pas de mon mari. Et il en est bien sûrement, car c'est mon aîné. On aurait peine en vérité à compter ce que vous dites d'extravagance en un jour. Adieu. Je retourne chez moi au plus vite rassurer mon fils. Mais vous, pensez à ce que je vous ai dit, ma reine, et croyez-moi, quittez l'abbé, mais durement, comme on quitte ces gens-là. Et tenez, pardi, prenez-moi ce jeune prince étranger à qui, depuis quelques jours, je vous vois faire tant d'agacerie. Eh, mais ne l'auriez-vous pas déjà? Dites-moi, c'est cela qui serait délicieux. Oh, quelle folie! Cela me conviendrait bien. Là, croyez-vous que cela me convainc? Il n'a que 17 ans, c'est un enfant. Eh bien, vous élèverez cela. Enfin, soit que vous l'ayez déjà pris ou que vous le preniez, défaites-vous toujours de ce cruel abbé. Dussiez vous-même rester sans rien, ce qui est dur pourtant. Renvoyez-moi votre grand prêtre, au nom de Dieu, cela est de conséquence. C'est le serpent le plus dangereux, le petit homme le plus vain, le plus fat, mais de cette espèce de fatuité gauche et maussade des robins et des gens d'église. C'est d'ailleurs le plus insolent petit homme de... Oh, voilà ce cher abbé de qui nous parlions. Nous disions là, la présidente et moi, bien du mal de vous. Oh. Adieu, ma reine. Mais où allez-vous donc? Je ne vous laisserai pas là, peut-être. Monsieur l'abbé permettra. Non, restez donc là, restez là, je le veux. Et non, non pas, s'il vous plaît. Parbleu, madame la présidente. Parbleu, mon prince allemand. Je vais vous faire voir, ma chère dame, comme l'on traite une petite femme de robe qui veut se donner les airs de quitter la première. Je suis outré, mais furieux. Et vite, l'abbé, dites-moi donc vite, mon éternel mari ne vous a-t-il rien dit de nouveau sur le mariage de ma fille? Mais qu'est-ce que cela, petit prélat? Que tenez-vous là? Possédons-nous pour rendre ceci plus cruel. Mais, madame, vous devez deviner à peu près. C'est la suite de notre conversation d'hier. Ce sont vos lettres... Comment que... Quoi? Tout ce que vous m'avez dit hier soir serait sérieux? Vous... Oh, mon Dieu! Vous voudriez rompre? Non, en vérité, monsieur, je refuse de reprendre mes lettres. Ce n'est pas là un procédé. En vérité, madame, je n'en connais point de meilleur. Et je ne m'en croyais pas même capable. Profitez-en. Je n'en aurai pas toujours d'aussi bon. Je vous rends vos lettres, votre portrait, tout le bagage. Cela n'est-il pas d'un bon et honnête ecclésiastique? Ah, monstre! Sentez-vous toute l'indignité? Doucement, doucement, auguste présidente. Mettez-moi de majesté et d'aigreur à tout ceci, s'il vous plaît. Cela n'est rien. Voici vos lettres. Reprenez votre portrait. Il pourra servir à d'autres. Eh bien, j'y consens. Expliquons-nous doucement. Dites-moi un peu, monsieur, quelles sont les raisons qui vous font rompre un engagement que le temps, j'ose le dire, avait rendu respectable. Et c'est cela même, et oui, quand il n'y aurait que le temps. Il y a 6 grands mois que cela dure. Cela est excédent. Ne faut-il pas en finir? Quoi, monsieur l'abbé? Vous ne voulez donc pas absolument me dire les raisons? Eh, mais je n'en ai pas autrement de raison, moi, car je ne suis point jalouse. Je vous dirai cependant que vos arrangements avec ce petit prince germanique, qui me paraissent faits, me sauvent l'ennui de vous faire accroire plus longtemps que je vous ai été attaché. Que voulez-vous dire? Quoi, vous êtes jaloux? Quoi, monsieur, que voulez-vous dire? Que vous avez entrepris l'éducation de cet enfant-là, et apparemment de tous les étrangers qui viendront en France. Que rien n'est plus estimable que d'établir chez vous une école et une ménagerie d'Allemands, de Hollandais, de Moscovites, etc. Et d'éduquer tous ces animaux-là. Cela est beau, cela est grand. Mais l'abbé, je vous jure que je ne l'aime point. Que je ne l'aime point. Non, je sais bien que vous ne l'aimez pas, mais vous le prenez. Qui est-ce qui aime à présent? Ce n'est pas moi, assurément. Je suis désespérée. Mais est-ce que j'aimerais l'abbé? Cela serait singulier. Depuis que je vis avec cet homme-là, voilà la première fois que je m'aperçois que je l'aime. Mon dépit me le fait sentir. Oh, que je suis malheureuse. Oh, mon Dieu! Je crois que je l'aime. Ah, parbleu, aimez-le tant qu'il vous plaira. J'en suis si peu jaloux que je veux le présenter à votre mari moi-même. Je veux l'installer ici. Je veux qu'il en fasse son meilleur ami. Mais oui, oui, monsieur, faites semblant de ne pas m'entendre. Jouez bien le sang-froid. Allez, perfide, pourquoi affecter une jalousie de commande? Pourquoi recourir à des détours? Allez, monsieur, je suis instruite. Que n'avouez-vous plutôt que la divine Julie vous tourne la tête? Elle est bien blanche et elle a beaucoup d'esprit. Oh, prenez garde, adorable présidente. Vous entrez trop vivement dans la passion, vous parlez avec trop d'action. Vous vous casserez un vaisseau immanquablement. Ce petit accident est déjà arrivé à 2 femmes que je connaissais excessivement et que j'avais mises dans la situation où vous êtes dans ce moment-ci. Rendez, monsieur, rendez-moi tout cela. Voici vos lettres, madame, et voici votre portrait. Écoutez, mon petit abbé, n'ayez pas du moins la fatuité de croire que c'est vous qui me quittez. Non, monsieur, non. J'étais arrangée. Je vous donne. C'est moi qui vous donne votre congé. Ne paraissez jamais devant moi. Adieu, madame. Ah, l'abbé, abandonne-toi ainsi ses anciens amis. Hélas. Hélas, ce qui faisait hier tout le bonheur de ma vie va donc faire tout mon tourment. Ah, quel tourment d'aimer sans espérance. Monsieur l'abbé, voilà des façons à vous faire arracher les yeux, oui, arracher. Arracher de mon cœur le trait qui le déchire. Non, monsieur, vous ne sortirez pas comme cela. Je veux que vous me disiez par une honnête femme, une femme comme moi, qui s'est toujours respectée, a pu s'attirer. Madame, il fut un temps où mon âme charmée, mais je n'aime plus à présent. C'est fort plaisant, c'est fort plaisant. Écoutez, monsieur, vous ne me connaissez pas. Je ne me possède plus. Je suis outrée. Vous me réduirez au désespoir. Quel désespoir. Oh. Quoi lorsqu'un bijou d'Allemagne orne un boudoir. Oh, cruel. Oh, mais du moins, cessez de chanter. Ma situation est-elle assez affreuse? Comment est-ce sans ressources, monsieur? Dans l'état cruel où vous êtes, ayez recours à l'étranger, car moi rien ne peut me changer. Adieu, panier, vendanges sont faites. Comment madame trouve-t-elle mon petit imprévu? Monsieur, monsieur l'abbé, sortez tout à l'heure! Voilà une scène, finissons, finissez! Oh, finissons. Oh, finissons, l'abbé, quand ma femme t'en prie. Ciel, c'est mon mari. Et c'est le véritable nacard. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que c'est que tout ce train-là? Est-ce que tu faisais danser la présidente? Est-ce une scène d'opéra, un pas de ballet? Mais elle était en colère, il me semble. Est-ce un rôle de furie qu'elle répétait pour le jouir avec moi? Le président est badin. Il est folâtre, sur mon Dieu. Mais ne saurais-je point le fond de tout cela? Le lui dirons-nous, madame. Tiens, le meilleur des présidents. Demande à ta femme si elle veut que je t'en fasse confidence. D'honneur en honneur, je te dirai tout et cela t'amusera. Eh bien, madame, consentez-vous qu'il me le dise? En vérité, monsieur, il n'y a rien d'assez intéressant pour vous. Je tremble qu'il n'ait entendu une partie de notre conversation. Oh, il y a du mystère. Non, il n'y en a point. C'est que madame Nacquart en veut mettre partout. Car moi, je le dirai à qui voudra l'entendre. Ah, bien, en ce cas-là, je vois ce que c'est. Je ne suis pas un sot. Cela me regarde sûrement. Mais non, monsieur. Ah, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh, tenez, y suis-je. Je m'en vais vous le dire. Moi, je n'y entends pas de finesse. La Saint-Claude arrive le mois prochain et c'est quelques drôleries que vous préparez pour ma fête. Oh, tu es trop fort. On y saurait tenir. Tu es trop pénétrant. Ma foi, madame, puisqu'il devine tout ce qu'on lui fait, à quoi bon les cachotteries? Mettons-le de notre secret, madame. Il ne sera pas trop. Non pas. À présent, je ne veux plus rien savoir. Tôt ou tard, il faudra bien que je le sache, puisque j'en suis le sujet, puisque cela est fait pour moi. Et dans ces badineries-là, tout le plaisir est dans la surprise. Eh bien, mon ami, cela te surprendra encore, quoi que tu doives t'y attendre. Soit, j'en tirerai davantage. Mais quel diable avez-vous, madame? Oh, tenez, je vois bien qu'à l'occasion de cette répétition-là, vous querelliez mon abbé, et vous ne me paraissez pas actuellement être bien ensemble. Oh, dame, mon roi... Cela ne peut pas toujours durer, il faut te faire une raison. Oh, bien, il faut que je vous raccommode. Mais nous ne sommes point brouillés, je ne sais ce que vous voulez dire. Non, il y a du froid entre vous, et je n'aime point cela. En vérité, voilà comme vous êtes. Ne devriez-vous pas être plus raisonnable? Et faut-il que tous les jours, je sois occupé à vous remettre bien ensemble? Ne sauriez-vous vous accorder? Êtes-vous des enfants? Mais si j'étais mort... Comment feriez-vous? Tiens, mon ami, tu as beau être président, tu ne saurais ni juger ni accommoder ce diable de procès-ci dès que tu ne sais pas le fond de la querelle. Mais une marque que je n'ai pas tort, c'est que la présidente n'oserait te le conter. Eh bien, mon petit abbé, dis-le-moi, toi, dis-le-moi. Non, en vérité, madame, contez-nous cela vous-même. Cela aurait dans votre bouche une grâce et un piquant que cela n'aurait sûrement pas dans la mienne. Eh bien, madame, puisque cela doit être si plaisant, faites-moi donc rire, une fois en votre vie. Eh, ne voyez-vous pas que votre bon ami vous persifle tant qu'il peut? Ah, ça ne badine donc plus. Et puisqu'elle s'obstine à ne rien dire, régale-moi du récit de ce qui s'est passé entre vous et que je vois à vous remettre. Moi, très volontiers, cela ne me coûtera rien. Ah ça, madame, une fois, deux fois, vous ne voulez rien dire? Moi, je vais tout compter. Tiens, mon ami, il faut que tu saches qu'il y a environ 6 mois, ne sachant où donner de la tête, je jetais les yeux sur une petite femme de robe de ta connaissance. D'abord, dis-moi son nom. En vérité, voilà une plaisanterie d'un bien mauvais genre. Ah, si vous ne voulez rien dire, au moins, ne l'interrompez pas. Vous allez si bien faire que je ne saurais rien. Mais monsieur, oubliez-vous votre déjeuner d'huîtres de chez Saint-Phare? Il me semble que vous devriez y être déjà. Madame a raison, la peste, il est déjà 1 heure. Il faut que je parte. C'est moi qui me suis chargé de mener les musiciens que tu sais et de les aller prendre au café de la Régence. Ils se seront peut-être humectés de liqueur en m'attendant. Diable, cela est de conséquence. C'est moi qui dois les enivrer aujourd'hui. Hé, mon fils, s'ils allaient me gagner de vitesse, il n'y a pas de temps à perdre. Adieu, adieu. Je ne te tiens pas quitte de ton histoire. Tu me la conteras en revenant, l'abbé. Va toujours, je te suis dans l'instant. Madame est servie. Quoi, de si bonne heure? Cela m'est bien égal. Allez dire à ma sœur et à ma fille de se mettre à table sans moi. Je ne dînerai point. J'ai un mal d'estomac affreux. Tant mieux, madame, tant mieux. Comment tant mieux? Oui, madame, tant mieux. Vous ne pouviez pas avoir mal à l'estomac plus à propos. Car il faut que j'aie avec vous une conversation sur une chose à laquelle vous ne vous attendez pas et que je vous ai dissimulée. Je ne suis pas encore entièrement rassurée. N'aurait-il pas entendu quelques mots de notre conversation? Écoutez donc. Il s'agit de l'abbé. Justement, il a des soupçons. Mais que marmottez-vous là, toute seule, madame? Vous devinez peut-être ce que j'ai à vous dire? Avouez-le-moi. Moi, monsieur? Je n'ai rien à vous avouer. Vous ne vous doutez donc point du tout de ce que j'ai à vous dire? Mais point du tout? Non, monsieur, point du tout. Point du tout. Bien, c'est que l'abbé est un petit inconstant. Y êtes-vous? Inconstant? J'en suis à 100 lieues. Je tremble, je suis perdue. Oui, c'est un petit volage. Un petit volage, vous dis-je, qui quitte l'église pour l'épée. Comment? Que dites-vous? Où va, s'il vous plaît, cette belle plaisanterie? Oh, ce n'est point une plaisanterie. La mort de son aîné, qui s'est laissé tuer comme un sot, produit ce changement. Oui, je vous dis que l'abbé quitte le petit collet et qu'on a obtenu pour lui, à la cour, une compagnie de dragons. Cela est sérieux? Oui, très sérieux. Et pour achever de vous surprendre, apprenez que j'ai arrêté hier son mariage avec ma fille, en faveur duquel l'oncle de l'abbé, Milor Sinderese, lui donne 20 000 livres de rente à présent et lui assure le reste de son bien après sa mort. Cela est aussi très sérieux et très agréable, n'est-il pas vrai? Et moi, monsieur, je vous assure aussi très sérieusement de ne jamais donner mon consentement à cet affreux mariage-là. Mais que veut dire affreux? Tenez, madame, vous êtes un tas de petites femmes de Paris qui voulaient attraper les bons airs, le bon ton, qui vous êtes fait un jargon et un diable de style cousu d'exagération, d'hyperbole et de superlatif. Car que veut dire affreux? Et quand vous aurez ôté ces grands mots, quelles seront vos raisons pour vous opposer à ce mariage-là, madame? Des raisons que vous devriez vous être dites, monsieur. Pouvez-vous manquer à la parole que vous avez donnée à monsieur Dupuis, votre ancien ami? Cela est monstrueux! Comment une parole donnée? Allez, allez, cela est monstrueux! Monstrueux, monstrueux! Ma parole, ne dirait-on pas que c'est une affaire qui est devant messieurs les maréchaux de France? Ma parole! Bon, parmi nous autres gens de robe, il y a une jurisprudence établie. Quand on n'a point écrit, il n'y a rien de fait. Et quand on a écrit, bien souvent encore, il faut voir. Fi l'horreur, quel sentiment! Vous ne pensez pas à ce que vous dites là, monsieur? Mais enfin, quand il s'agit d'un engagement aussi sérieux que le mariage, pouvez-vous vous aveugler sur les ridicules, les vices de l'abbé Kensington que vous avez été le premier à me faire remarquer? Moi, jamais. Un homme sans caractère, sans mœurs, sans principes, ayant toujours bravé toutes les bienséances de son état et affiché l'indécence, composant aujourd'hui des chansons dissolues et impies pour des femmes de la cour, et le lendemain, un mandement pour le premier évêque qui lui en commandera. Calomnie que tout cela! Livré au jeu, où il s'est ruiné déjà une fois, accablé encore de nouvelles dettes, sujet enfin à un dernier vice qui n'est même plus de mode, un vice bête, l'ivrognerie. L'ivrognerie, défaut misérable et bas, qui est depuis longtemps banni de la société des honnêtes gens, et même de celle des ecclésiastiques. Oh, les femmes ne sauraient souffrir qu'on estime le vin. Enfin, monsieur, chargé d'autres horreurs que je ne veux ni ne dois vous dire. Tenez, monsieur le président, puisque vous m'y forcez, n'a-t-il pas été amoureux de moi? Oh. N'a-t-il pas eu l'effronterie de me le dire? Oh. Et l'audace de concevoir des espérances? Oh. Avec une femme de ma sorte. Après cela, donnez-lui votre fille, si vous l'osez, monsieur. Donnez-lui votre fille. Tenez, madame, je ne crois pas à un mot de tout cela. Oh. Votre querelle de tantôt est apparemment plus sérieuse que je ne pensais. Car comment? Vous qui avez toujours été son ami, vous qui hier encore ne juriez que par lui. J'ai été son ami comme ça, monsieur. Mais je ne le suis pas au point de lui sacrifier ma fille. Je ne souffrirai pas à vous parler franchement. À vous parler franchement, madame, je suis bien là que vous me brouillez tous les jours avec mes meilleurs amis. Depuis 2 ans, en voilà plus de 11 ou 12 qui ont défilé de chez moi, les uns après les autres, et qui n'y remettent plus le pied. Et notamment, en dernier lieu, le duc de son nom m'échappe dans le moment. Mais c'est ma faute à moi, monsieur, si vos amis... Et parbleu, il faut bien que ce soit votre faute. Ce n'est sûrement pas la mienne. Oh. Je leur fais toujours les mêmes politesses, moi. Mais c'est que pendant 3 mois, 6 semaines plus ou moins, vous vous engouez de quelqu'un, c'est un homme charmant, unique, divin. Enfin, cela a été quelquefois au point que j'ai été assez benêt pour en prendre de la jalousie. Moi. Et puis au bout de ce temps d'illusion, crac, il survient une scène telle que celle que vous avez apparemment eue aujourd'hui avec l'abbé, et cette scène les écarte de chez moi, si bien que je ne les vois plus, ni ne les rencontre, et même qu'ils me refusent le salut. En vérité, dites-moi, croyez-vous qu'il soit fort gracieux pour moi de ne pouvoir conserver un ami, un véritable ami? Mais monsieur, pesez donc sur les raisons qui me font et qui me feront toujours refuser mon consentement. Mais nous nous en passerons, madame. J'ai écrit ce matin à monsieur Dupuis pour dégager ma parole, et je n'écoute rien. Mais madame, soit dit entre nous, il est d'un bien mauvais cœur de parler comme vous faites contre l'abbé, qui a pour vous et pour moi une tendresse singulière. Non, c'est qu'il n'y a point d'attention que ce garçon-là n'ait pour moi. Il a mille fois plus de soin de ma santé que de la sienne propre. Il me force tous les jours de me coucher de bonne heure, parce qu'il sait qu'il faut que je sois au palais dès le matin, tandis qu'il a la complaisance de veiller avec vous, et de veiller pour veiller, jusqu'à des 3 ou 4 heures. Et dites-moi à quoi faire. Mais cela empêche-t-il? Mais oui, madame, ces bonnes façons devraient vous faire souhaiter son mariage au lieu de vous y opposer. Oui, surtout quand vous joindrez à cela la reconnaissance que vous devez à Milord Cinderese, son oncle, ce seigneur magnifique, cet étranger généreux, qui par pure amitié nous a comblés de bienfaits en faisant notre mariage, et qui encore aujourd'hui donne tout son bien à son neveu pour lui faire épouser votre fille, qu'il regarde comme la sienne propre. Eh oui, monsieur. Eh oui, madame, quand il serait le père de votre fille, pourrait-il faire davantage? Eh, mais si vous ne voulez pas m'entendre... Non, madame, je n'entends rien. Je vais déjeuner chez Saint-Phar avec l'abbé, qui ne sait pas encore le traître mot de son mariage et de sa métamorphose en capitaine de dragon. Son oncle, pour jouir de sa surprise, ne veut lui apprendre que ce soir son transfiguration. Ce sont les termes de ce bon Milord qui, depuis 20 ans qu'il est en France, n'a rien perdu de son accent et de ses expressions anglaises. Enfin, il doit se rendre chez moi avec monsieur Faillite, mon notaire, et nous signerons le contrat tout de suite. Serviteur. Cherchons tous les moyens de rompre ce mariage qui me fait frémir. D'abord, je crois à ma fille du goût pour le jeune Dupuis. Inspirons-lui d'avoir la fermeté de résister en face à son imbécile de père. Après cela, je suis d'une jalousie et d'une fureur contre l'abbé. Je périrai plutôt que de... Que d'assaut je vais avoir à soutenir. Ce vieux Milord qui est actuellement dévot et qui va venir me prêcher et me lanterner. Monsieur Milord Cinderese. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Milord, madame. Voilà un laquais qu'il faut que je mette dehors. Il suffit que je craigne de voir quelqu'un pour qu'il l'annonce dans l'instant. On dirait qu'il va le chercher. Ah, Milord, je me plaignais de vous. Il y a un siècle qu'on ne vous a vu. Je vois plus de femmes, madame. Vous savez bien, il est déjà plus de 6, 7 et encore 8 mois que moi, je ne visite plus les dames. Et puis, comme vous en êtes cause, j'espère, il n'est pas besoin que moi je rappelle à vous mon conversion et ma repentir de nos écartements communs. Oh, mon cher Milord, épargnez ces images. Point, madame, j'épargne rien, moi, rien. J'épargne point plus mes faiblesses à moi seul. Je reproche toujours à moi la grande aversion que j'ai eue jadis pour moi marier, ce qui m'a fait commettre des malhonnêtetés avec les femmes. Et mêmement qui m'a empêché autrefois d'épouser vous, madame. Oui, oui, et c'est pour cela que je suis été venu à cette heure chez vous, pour achever d'apaiser le remords de mon conscience, en vous pressant d'y faire vite, vite, vite, vite, le mariage de mademoiselle votre fille avec mon neveu à moi. Ah, Milord, vous m'affligez cruellement. Vous me voyez inconsolable de ne pouvoir donner mon consentement à ce mariage que mon mari, lui seul... Par Saint-Patrick, que dites-vous? Oh, mon lord, je vous crie merci, et j'ose exiger de vous que vous m'aidiez vous-même à rompre ce mariage et en faire revenir, monsieur le président. Oh, madame, est-ce donc là l'amitié co-éternelle dont nous nous êtes jurés ensemble sermente à la place et pour tenir lieu d'un amour criminel qui l'a défendu? Mais en quoi blessais-je l'amitié? Il va la 18e année que moi j'ai l'honneur de vous connaître et que j'ai marié vous, madame, au bon président. Et pour cause, vous savez bien... J'ai regardé toujours vos enfants comme les miens propres à moi. L'abbé de Kensington, mon neveu, il est le dernier de son nom. Mademoiselle, votre fille, il est resté unique. Et aujourd'hui que moi, par principe de conscience, je veux composer qu'un seul et même famille de la vôtre et de... Eh bien, jugez-moi, mon cher Milord. Vous qui êtes le plus juste des hommes, je m'en rapporte à vous. Il y a plus de 2 ans que nous avons donné notre parole d'honneur pour le mariage de ma fille à monsieur Dupuis. Une parole d'honneur. Et si la parole d'honneur, il vous l'a rendue, madame, ainsi que votre mari, il me l'a assuré, hein? Vous n'avoir plus rien à m'opposer, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, considérez-vous point, vous, madame, qui savez le dessous des cartes, que par ce mariage, sans rien ôter à mon héritier naturel, au contraire même, en lui donnant tout, je m'acquitte vis-à-vis de mademoiselle votre fille d'un dette que les erreurs de ma jeunesse ils m'ont fait contracter. Je demeure d'accord de tout cela, monsieur, et je vous reconnais bien à ces procédés équitables, mais... Mais, madame, ajoutez-vous à cela qu'un père, il ne peut pas avoir des sentiments plus vifs ni encore plus tendres pour sa fille que moi j'en ai pour la nôtre, pour la vôtre, dis-je. Hélas, milord, vous êtes bien payé d'avoir pour elle les entrailles d'un père, car on ne saurait avoir plus d'amour et de vénération que cette petite fille-là en a pour vous. Elle a d'ailleurs tous vos traits, votre air, vos façons, toutes vos manières, enfin. Eh bien, madame, qui donc arrête-vous? Si ce petit monsieur Dupuis, que je connais point, il vous rend votre parole, comme moi j'en être sûr et très sûr. Rien peut-il plus vous empêcher de faire le mariage? Et n'est-il point de l'humanité? Oh mon Dieu! Quand il me rendrait notre parole, vous me désespérez! J'aurais encore des raisons invincibles qui s'opposeraient à ce mariage. Oh, de grâce, madame! Qui sont-ils, les raisons? Oh, milord, le comble de mon malheur est de ne pouvoir vous les dire. Vous pouvoir point le dire, madame? Vous qui pouvez point et devez point avoir rien de caché pour moi? Vous voulez point me les dire? Oh, quel soupçon! Vous refusez l'abbé pour votre gendre. Quelle raison? Qu'est-ce donc qu'il y a eu entre vous? Hein? Est-ce qu'il y aurait effectivement... Est-ce qu'il... Oh, madame! Mais vous me faites trembler! Vous me faites trembler! Oh mon Dieu! Ah, monsieur, je suis enchantée de vous voir! Il y paraît, madame, en m'interdisant votre porte. Parbleu, ça ne me fait plus douter, madame, que c'est vous seule qui êtes la cause de la rupture du mariage de mon fils. C'est vous sûrement qui forcez le bon président. Mon vieux et faible ami. C'est donc là, monsieur Dupuis, madame? Oui, monsieur l'étranger, je suis Dupuis, le secrétaire du roi. Et le plus grand secrétaire du roi qu'il y ait eu depuis la création. Cela, il donne la noblesse de France? Il est bien, bien gracieux, monsieur. Oh, je n'avais pas besoin de cela, mon cher. Mon père était capitoule du temps de la régence. Ainsi, ma noblesse est bien plus ancienne, comme vous voyez. Mais revenons au procédé de ces gens-ci avec moi. Je vous en fais juge. Moi, monsieur, moi? Vous-même, mon cher ami. Ah, mon cher ami, il est fou, j'espère. Suivez-moi donc. Le mariage de mon fils, le maître des requêtes, joli sujet en vérité, était arrêté depuis un siècle avec eux. Si vous voulez bien, monsieur. Non, madame, je ne veux rien autre chose que de vous faire condamner par le premier venu, moi. Eh bien, mon cher ami... Oh, diable, il est familier, cet homme. Il tutoie presque les gens à la première vue. Oh, écoutez-moi donc, mon cher roi. Aujourd'hui donc, ce mariage se trouve rompu parce que madame Nacquart, depuis 6 mois, s'étant entêtée d'un maudit abbé. Non, en vérité, monsieur! En vérité, madame, je devais point m'attendre. Mon cher, c'est qu'il faut que vous sachiez que c'est une affaire d'or pour ces gens-ci. Je ne donne rien à mon fils, mais à ma mort et à celle de ma femme, mon fils, qui est fils unique, aura plus de 800 000 livres de beaux biens. Et je ne me suis pas enrichi dans les sous-fermes anciennes, comme on le dit à Paris. Sur mon Dieu, il m'en a coûté. J'ai même été obligé de solliciter des indemnités que j'ai obtenues. Le ministre le sait bien, mon très cher ami. Le funeste petit bourgeois. Monsieur, mon très cher ami, que je connais point du tout, laisse-moi dire vous un mot à madame sur une petite affaire qui n'est point longue. Tenez, je ne sais ce que c'est que votre affaire, mais à coup sûr, elle ne peut être aussi intéressante que la mienne. Ainsi, jugez-nous et condamnez-moi si j'ai tort, cher ami. Oh, pardi, le plus terrible de mes amis, du moins, souffre-vous que madame réponde. Et non, poulet, elle ne saurait rien répondre. De plausible pour justifier le choix qu'à la place de mon fils, elle fait faire à son mari de ce damné d'abbé, de ce vilain renégat. Mais connaissez du moins, monsieur, les gens à qui vous parlez. Ils mènent une vie scandaleuse. Et savez-vous, monsieur, que cette abeille... est toujours d'un côté et d'un autre avec des coquines. Oui, oh, je le sais bien. Est-ce que vous le connaissez? Mais madame, êtes-vous d'intelligence de cette scène? Après avoir soupé avec ces impurs-là au point du jour, monsieur l'abbé les mène boire du ratafia à Neuilly. Et c'est lui qui mène la calèche. Il n'y a pas 3 jours que cela est arrivé, au moins. un abbé. Y a-t-il un scandale pareil à celui-là? Pardi, monsieur, écoute-vous un moment, cet abbé... Quel diable, cher ami, voulez-vous toujours parler? Écoutez-moi donc à votre tour. Mais comment, on ne pourra pas dire un mot? En vérité, les femmes sont bien babillardes. Oh. Je vous cherche la lettre que m'a écrite le président, par laquelle il rompt ce mariage. Mais monsieur... Monsieur, monsieur... Mais non, non, c'est que c'est un morceau rare. Alors, après m'avoir dit qu'il ne veut plus me donner sa fille, voici comme il finit. Comme monsieur l'abbé Kensington ne peut pas malheureusement garder ses bénéfices en se mariant, je me fais fort de les faire tomber à monsieur votre fils s'il rentrait dans les sentiments de dévotion que je lui ai vus il y a 2 ans. Vous voyez que mon amitié ne se dément point et que je suis toujours, etc., etc. Mon fils, dans la dévotion, lui, ecclésiastique, lui, bénéficié. Oh, morbleu! Je ne suis aussi dévot qu'un autre, mais si le coquin prenait le parti de l'église, je lui casserai le bras, mon cher ami. Pardi, monsieur, il faut que je corne aux oreilles de vous que moi, l'être l'oncle de l'abbé Kensington, mais moi... Mais mon cher ami, j'en suis fâché pour vous. Vous ne méritez pas cela. Vous avez l'air d'un assez bonhomme, vous. J'ai l'air d'un bonhomme, moi, madame. En France, un bonhomme, il veut dire une bête. Moi, je suis une bête, madame, moi, une bête. Mais non, Milord, cela ne signifie point cela. Milord, Milord. Oh, c'est donc là l'oncle de mon drôle. Un bonhomme, moi, un bonhomme. Je sortir, madame. Je reviendrai quand le président y sera un bonhomme. Je sortir. Je serai point si bon, point si mais... bon, car les mains, il me démange de jeter par la fenêtre, monsieur le secrétaire du roi. Oh, pour mais... que ça arrive point, je lui quitte la place. Mais... Je sors. Et je suis sorti. Mais non, c'est moi qui vous la quitte, monsieur Milan. Ah, je vois bien que vous avez pris votre parti, madame, et que vous avez abusé de l'ascendant que vous avez sur l'esprit de votre mari. Je reviendrai lui parler. Mais apprenez que votre abbé est l'homme du monde le plus dangereux. Je sais qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on eût sur vous et sur lui des soupçons. S'il eût été possible de croire une dame chrétienne comme vous coupable d'une habitude criminelle... Ah, ça nous voilà seuls et je me flatte à présent. Et il enveloppait dans ses calomnies ma femme, Madame Dupuis. Madame Dupuis, qui a la vertu et la chasteté même. Vous allez donc m'entendre. Ce que je vous dis là est à la lettre, madame. Je tiens ce fait de deux de nos messieurs qui viennent dans cette œuvre à Saint-Eustache. De bonnes têtes qui ont passé par toutes les charges, d'anciens marguilliers, des gens de mérite. Mais monsieur Dupuis, pour Dieu, écoutez-moi. Non, madame, je vous laisse. Je viens d'entamer là une matière chatouilleuse. Si je restais, je dirais quelques sottises. Je ne pourrais pas m'en empêcher. Il vaut mieux que je sorte. Je me suis retenu jusqu'ici, mais si je demeurais à présent, je ne répondrai pas de moi. Serviteur. Eh bien, cela a-t-il le sens commun? En vérité, cet homme de fortune-là n'est pas vraisemblable. Il est si plein de son objet qu'il est incapable de rien entendre. Nous eussions pu prendre ensemble des mesures, mais faisons descendre ma fille. Oh là, quelqu'un! Y a-t-il quelqu'un, là? Toujours à vos ordres, madame. Toujours à vos ordres. le joli petit vin blanc. Hein. Oh, le joli petit vin blanc avec des huîtres. Il est coquin, ce vin-là. Il est coquin. Oh, madame. Oui, madame. Mais monsieur le président, ne vous trouvez-vous pas mal? Oh, mais majestueuse présidente, ne voyez-vous pas tout d'un coup que notre santé à l'un et à l'autre est au-dessus de ses affaires? Je dis, madame, faites-nous une gaïa. Une galanterie passée dans votre appartement. Je le veux bien, monsieur, mais... Oh quoi, mais ne sais-je pas bien que j'ai à parler à l'abbé. En particulier de cette affaire à laquelle vous opposez. Allez-vous me la faire oublier? Non, monsieur, non, je me retire. Observons-les. Voyons ce que tout ceci deviendra. Allons trouver ma fille et me concerter avec elle. La princesse est partie. Oui, la voilà partie. Ah ça, mon abbé, asseyons-nous là et parlons d'affaires. D'affaires? À moi? À présent? Oh tiens, mon président, les 24 notaires du roi viendraient à présent pour affaires, même pour me prêter de l'argent que je les enverrai avec leurs espèces. Oh oui, chantons plutôt, céleste président. J'aime beaucoup les femmes blanches, mais j'aime encore mieux le vin blanc. Je n'ai point vu de femme France et j'ai bu souvent du vin franc. Le sexe ne met rien quand je flûte. Et dans cela comme dans tout, chacun a son goût. Point de dispute, chacun a son goût. Oh, parbleu, tu es bien heureux d'être toujours de cette gaieté-là. Il faudrait, moi, que j'eusse bu un peu raisonnablement pour être à la moitié aussi gaillard. Et si encore... Oh, mon morbleu, il vient pourtant de me passer par l'esprit quelque chose qui me chagrine et qui me rend triste. Oh, oui, triste. Mais dis-moi ce que c'est. Oh, c'est que... Tu sais bien que je suis ton ami, ton véritable ami. Mmh. Hein. Et cependant, depuis 5 ou 6 mois, je me reproche de te cacher un secret qui te regarde. Qui me regarde, moi, monsieur? Oh, mais c'est fort mal. Eh bien, c'est très mal. Par exemple, entre amis, a-t-on rien de caché l'un pour l'autre? C'est ce que je me suis dit. Mmh. Mais ce qui m'a empêché de te découvrir ce secret-là... C'est que je crains qu'il ne te fâche. Qu'il me fâche, moi, moi, oh, qu'il me fâche, oh, le pauvre homme. Oui, oui, oui, toi, toi-même. Oh. Tiens, si tu veux que je te le dise, jure-moi auparavant que cela ne te fera aucune peine. Oh, je te le jure, et qu'est-ce que cela me fait à moi? Eh bien, président, tu es... un honnête homme. Mmh. Oui, tu es un honnête homme. Eh bien, est-ce là un secret? Attends. Ah. Tu es un honnête homme, mais ta femme... Ma femme. Ta n'est pas une honnête femme. Oh. Veux-tu que je te le dise? Mais cela n'est pas vrai, morbieux. Cela n'est pas vrai, c'est une femme d'honneur que ma femme. La présidente est vertueuse, et même ce sont toujours des querelles. Oui, quand j'en veux venir, je te dis qu'elle est froide, moi. Mais voyons... Non, mais non, puisque tu te fâches et que tu ne me crois pas, je dirai plus rien, moi, non. Dès que cela ne te fait plus de plaisir, moi. Est-ce pour moi que je dis cela? Non. Qu'est-ce qui m'en revient? Un moment, monsieur l'abbé. Parlons de sang-froid. Ai-je tort de me mettre en colère? Est-il étonnant qu'on prenne feu quand on entend dire ces sortes de choses-là de sa femme? Oui, mais quand cela est vrai, Nigo, pardi, quand cela est vrai... Cela n'est pas vrai, morbieux. Cela n'est pas vrai parce que c'est faux. Prouvez-moi, mon petit monsieur, comme cela est vrai. Donnez-moi cette satisfaction-là. Eh bien, tu vas en avoir le plaisir. Je le prouve. Je le prouve parce que primo, vous êtes un honnête homme. Mais ta femme... est une catin. Mais quelle preuve en as-tu, dis donc. C'est que vois-tu, je suis si sûr de la présidente qu'à moins que tu n'aies vu, et si encore, je ne le croirais pas. Non, tiens, mon cher président, mon bon ami. Mais pourquoi t'affliges-tu? Pour moi? Oh, à qui en as-tu? Moi, mais je n'en crois rien. Non, tu n'y es pas, mon très cher ami. C'est que je suis un coquin, un misérable, un roué. Oh. Oui, en vérité, cher ami, si tu es ce que tous les maris sont à Paris, il faut t'en prendre à ta femme. Mais c'est pas ma faute. Je ne la suis pas. Oh, mon pauvre ami, si ce n'est que cela, ne te désole point tant, je te dis que je ne le suis pas, parce que j'en suis sûr. Oh non, mon ami, sur mon honneur, tu l'es. Oh. Sur mon Dieu, mon âme, tu l'es. Ce n'est que trop vrai. Et tiens, que je te rappelle, te souvient-il du jour des rois qu'il gelait à Pierrefonds? Oh, il faisait froid. Eh bien, quand je m'en souviendrai... Tu fus dîner avec Milord Cinderese, mon cher oncle, chez une femme de mérite qui est même fort ennuyeuse, quoiqu'elle ait 60 ans passés. Cela est juste, eh bien... Eh bien, je n'y fus pas, moi, quoique je fusse prié de cette partie fine avec vous autres. Mmh. Eh bien, la présidente me fit rester avec elle. Était-ce ma faute? Eh bien, quel mal y a-t-il à tout cela? Elle me dit que je te ressemblais. Est-ce ma faute? Mais et quand tu me ressemblerais? Où est donc le malheur? Non, le grand malheur! Ne presse pas! Ensuite, elle m'embrasse en me disant « C'est mon mari? C'est toi, mon cher ami, que j'embrasse? Oh. » Car elle t'aime, hein, dans le fond. Ah oui, c'est mon mari que je baise. Est-ce ma faute? Eh bien, mais qu'est-ce qu'il y a donc là de si grave? Est-ce que je prends garde à ces minuties là, et surtout avec toi, petit follet? Non, un moment. Comme il faisait chaud, elle ôta son fichu. Ah. Et, il faut le dire, hein, elle a tout ceci là admirable. Oh. Mais est-ce ma faute? Mais est-ce ta faute? Est-ce ta faute? Que veux-tu dire? Que veux-tu que je te dise, mon très cher ami? Je fus assez indigné et assez abandonné de Dieu pour, cher ami, non, ne m'en parle pas davantage. C'est une affaire faite. Tu vois bien à présent que ce ne sont pas là des oui-dire. Tu vois bien que c'est par moi-même que je suis certain que tu es ce que tu ne mérites sûrement pas d'être. Et surtout de la façon d'un ami comme moi. Je n'en reviens point. Mais cher ami, est-ce ma faute? Mais mets-toi à ma place. Pouvais-je faire autrement? Il eût fallu être un ange. Là, dis, est-ce ma faute? Non, je t'en fais juste. Non, ce n'est point ta faute. Tu n'as aucun tort. Tu as fait ton métier, toi, l'abbé. Mais la présidente est une malheureuse. Oh, ça c'est mal à elle. Hein? Oh, vous qui ne lui refusez rien. Ah. Je l'ai prise en aversion depuis ce temps-là. De m'avoir forcé là, le pistolet sous la gorge à faire cette espièglerie-là. Mon ami, mon meilleur ami, mon plus cher ami. Je ne t'en sais pas mauvais gré à toi, l'abbé. Cela t'a fait plaisir. Non, je ne t'en veux pas pour cela. Au contraire, non, j'aurai toujours pour toi la reconnaissance que mérite le secret que tu viens de me confier. Mais écoute donc, mon ami. Il ne faut pas aller dire cela à d'autres, au moins. Non, cher ami, tu conçois bien qu'il n'y a que toi au monde à qui cette confidence-là puisse se faire. Non, d'ailleurs, je ne le dirai même pas à mon confesseur. Tu seras le seul, la peste. Oh, cher abbé, mon très cher abbé, tu ne pourrais pas me donner une plus grande marque de confiance et d'amitié que ce secret-là. Je n'oublierai jamais le service que tu me rends. Mais la présidente s'en souviendra. Ça pour moi, je ne lui pardonnerai de mes jours. Et ce matin, quand je l'ai quitté... oui, car je l'ai quitté ce matin. je l'ai traité indignement, parce que je ne puis la souffrir depuis qu'elle t'a manqué. Cela est plus fort que moi, et si j'étais en ta place, je la ferais enfermer dans un bon couvent. Oh, c'est à quoi la bonne dame doit s'attendre. En ce cas-là, quand nous l'aurons fait cloîtrer... Si tu veux, mon ami, mon très cher ami, venir loger avec moi dans ma petite maison des Porcherons, nous vivrons ensemble. Oh, cher abbé, mon très cher abbé, j'y consens de bien bon cœur. Oh oui, cher ami, oui, j'irai vivre avec toi. Tu peux bien en être certain, tu me tiens lieu de tout. Quand on a un ami, un fidèle ami, un ami sûr comme toi, il faut vivre éternellement avec lui. Venez ici, messieurs. Je me suis arrêtée un moment pour entendre la fin de votre belle conversation. N'est-il pas affreux, monsieur le président, que vous soyez assez lâche pour prêter l'oreille aux calomnies les plus atroces, les plus dénuées de vraisemblance, et qui ne vous couvrent pas moins de honte que moi? Comment, madame? Vous êtes assez hardie. Allez, monsieur, on ne craint rien quand on est sûr de son innocence. Je n'appréhende rien, vous dis-je. Je n'ai rien à me reprocher. Et on ne peut pas prouver que je sois capable de la moindre chose qui puisse choquer la vertu, ni la bienséance. Elle parlerait pas si haut si je ne lui eusse pas rendu ces méchantes lettres. J'ai fait là une ânerie. Il n'y a que vous au monde, monsieur. Et encore faut-il que vous soyez dans l'état honteux où le vin vous a mis. Il n'y a que vous, dis-je, qui puissiez donner quelques créances aux fables et aux rêveries que vous débitez depuis une heure à un homme ivre comme monsieur l'abbé. Oh, ne dirait-on pas que j'ai bu à entendre madame? Effectivement, l'abbé a du vin. Oh, mais beaucoup. Et je commence à concevoir... Oh, je voudrais bien qu'il imaginât que je lui ai menti. Oh, cela serait plaisant. Oh, je le voudrais à présent. Mais monsieur, répondez-moi. Vous me ferez justice de monsieur l'abbé. Vous ne le reverrez de votre vie. Vous le chasserez de chez vous ou je ferai un éclat. Je vais de ce pas me réfugier chez mon oncle, le conseiller de Grandchamp. Oh. Je prendrai avec lui des mesures pour nous faire séparer. Et nous verrons si, sans raison et sans preuve, sans prétexte même, on peut attaquer la réputation et l'honneur d'une femme comme moi. Eh bien, président, la crois-tu? Oh, je voudrais qu'il l'a cru. Allons, madame, il est temps d'appuyer, je vais vous seconder. Écoute donc, mon ami, tous les jours, on se trompe dans ces matières-là. Un petit moment, monsieur l'abbé, s'il vous plaît. Point de plaisanterie. J'ouvre les yeux petit à petit et je vois très bien que vous avez bu. Ah oui, oui, voilà ce que c'est. C'est le vin, mon ami. Allons, madame, encore un petit coup de collier. C'est qu'il sera délicieux qu'il vous croisse. Cela vaudra de l'or, cela sera divin. Je te demande en grâce de ne rien croire. Eh non, monsieur, ne plaisantons pas. Je n'ai pas envie de rire. Je reprends mon bon sens, moi. D'abord, c'est que vous êtes un coquin, si cela n'est pas. Et si cela est, et cela n'est pas. Car je commence à être sûr que cela n'est pas. Oui, cela n'est pas. Et cela ne peut pas être. Cela n'est jamais arrivé à un président. Ainsi, de quelque manière que vous vous retourniez, dans les deux cas, que cela soit ou que cela ne soit pas, dans les deux cas... Eh bien, dans les deux cas, achève donc. Je crois que tu as du vin aussi. Dans les deux cas, monsieur, ne mettez jamais les pieds chez moi. Vous avez calomnié madame, je ne veux plus vous voir. Sachez tout ce que vous y perdez, mon petit monsieur. Tout était arrangé pour vous faire épouser ma fille. À moi, ta fille? À moi, un mariage véritable? À moi, la demoiselle Nacquart? Mais l'affaire aurait-elle été canonique, madame? Vous le savez? Osez-vous bien encore? Oh, mon ami, outre cela, je l'aurais refusé, moi. Oh, je ne veux point me marier, moi. Je ne suis pas encore assez abandonné de Dieu ni des femmes, comme tu sais, président, pour m'aller marier. Sortez, monsieur! Et ne paraissez jamais devant moi! Je sors, madame. Je n'en dirai pas davantage, parce que c'en est bien meilleur. Je suis charmé que cela ait pris ce tour-là. J'en rirai toute ma vie. Et d'ailleurs, je suis enchanté que tout se soit passé dans la douceur, parce qu'il est de la dernière conséquence pour moi d'avoir de bons procédés avec les femmes. Cela m'en fera avoir bien sûrement d'autres. Oh, ça, ma chère femme, je te demande pardon, des soupçons impertinents. Je t'en prie que cela n'altère pas notre union qui ne... Ces choses-là, monsieur, relevez-vous. Oh. Ces choses-là, monsieur, se pardonnent rarement. Cependant, la conduite que vous tiendrez par la suite avec moi pourra effacer le ressentiment d'une femme vertueuse et qui est trop attachée à ses devoirs pour conserver des levains d'aigreur et de haine contre quelqu'un que, par son inclination, elle n'est rien moins que portée à haïr quelque sujet qu'il en est donné. Oh, ma chère amie, ma tourterelle, sois sûre que toute cette bagarre-ci ne fera qu'augmenter ma confiance, mes sentiments, mon estime et ma vénération. Nous verrons, monsieur, nous verrons. Mais passez dans votre cabinet, vous reposez une heure ou deux. Prenez du thé. Oh. Je vous ferai avertir quand messieurs Dupuis, que j'ai envoyé prier de passer ici ce soir, seront arrivés. Et nous signerons le contrat de mariage de ma fille, qui est dressé depuis avant-hier. Oh, je le veux bien, ma chère épouse. Arrangez tout cela. Envoyez chez le notaire. Quand il sera venu, faites-le-moi dire, et je suis tout prêt à signer. Oh, je sens que cela se passe. Oh oui, cela se passe. Eh bien, que pensez-vous de la vérité dans le vin? Et vous? Moi, je me demande pourquoi cette ravissante comédie n'est pas au répertoire de la comédie française. Moi, j'estime en tout cas qu'elle ferait meilleure figure dans mon théâtre choisi du XVIIIe siècle que telle comédie de Destouches, de La Chaussée ou de Colin d'Arleville. Cette vérité dans le vin, si injustement oubliée. Oubliée, pas par tout le monde. Vous vous rappelez la scène d'ivrognerie au cours de laquelle l'abbé amende la femme du président apprend à celui-ci sa disgrâce. Oui. Vous la rappelez bien. Oh, fort bien, c'est la scène capitale la plus inattendue, la plus drôle. Bon, écoutez celle-ci maintenant, qui se passe de nos jours entre Henri, l'amant de Gisèle, la femme de son ami Hubert et Hubert lui-même dans une villa d'Annecy, l'été. Henri, leur invité, a déjà beaucoup bu ce jour-là. Hubert essaye en vain de le retenir. Ouais, trois whisky, tu dois te sentir mieux. Oui, j'en veux plus. Oh, tu as raison. J'aimerais mieux du cognac. Oh là, diable. Après ça, je me sentirais tout à fait bien. Ouais, heureusement que tu es entraîné, parce que moi, je serais déjà ivre-mort. Oh non, mon vieux, pas dans un dé à coude, le cognac, dans un vrai verre. Donne-moi la bouteille. C'est un verre à eau. Il n'y a aucune raison pour appeler ça un verre à eau. Deux lampées, comme en Russie. Pauvre Russie. Eh, dis donc, on va pas recommencer, ça suffit. Hein. Nous avons du monde à dîner. Je le sais, mon ami, je sais qu'il y a du monde à dîner. Tu m'en vois fort heureux. Dis donc, mon vieux, si tu allais te reposer un peu. Non, mon vieux, non, je veux pas me reposer. Seulement, je vais te dire une chose. Je ne veux plus que tu me donnes du cognac. Ah. Non, il y a du monde à dîner, tu comprends. Je veux tout de même pas me saouler. À la bonne heure. Ben, quoi? T'as pas du brandy? Ah non, mon vieux, non. Mais laisse-moi boire un petit verre de brandy, ça va me remettre tout à fait. C'est énergique, le brandy. Il est bon, ton brandy. Hein? C'est du bon brandy. Ah oui, je t'aime bien, moi, tu sais. Oh oui, je t'aime bien. Et puis, tu peux le dire partout que je t'aime bien. Mais oui, moi aussi, je t'aime bien. C'est pas d'hier, hein, quand on pense qu'on a été au régiment ensemble, hein, dis. Au régiment, à Dijon, chef-lieu de la Côte d'Or, célèbre pour la moutarde, 4 km sans boire. On était jeunes dans ce temps-là, hein. Comme moi maintenant. Tout à l'heure, là, j'étais vieux, hein, je me sentais vieux, et j'avais ton âge. Et maintenant, je suis jeune, je me sens jeune. C'est ça les théories d'Einstein, hein? C'est de boire parce que ça supprime le temps. Einstein, là. Quel ballot. Allons, viens, tu sais plus ce que tu dis. Alors viens, mon vieux, viens. Non, je suis trop content ici. On est bien chez toi, hein? Ah oui, Annecy, chef-lieu Savoie. Dire que nous sommes à Annecy depuis un mois, hein? Mais tu sais pas tout. Non. Eh bien, mon vieux, t'as peut-être raison. Parce qu'à bien réfléchir, vaut même mieux que tu saches pas ça. Je t'aime tant, mon pauvre vieux. Que je t'aime, moi, tu sais. Tu le crois pas? Dis-moi que tu le crois. Mais oui, hein? Mon vieux, mais oui. Et puis, toi aussi, tu m'aimes bien, hein? Parce que tu m'aimes bien, hein? Mais oui. On peut dire qu'on... On s'aime bien tous les deux, dis. Oh, eh ben, qu'est-ce qui te prend? Ah, mon pauvre vieux. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? Ah, mon pauvre vieux. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? Parce que ta femme te trompe. Quoi? Parce que ta femme te trompe. Qu'est-ce que tu dis? Oh, ça me fait une peine. Non, mais qu'est-ce que tu dis, hein? Oh, j'ai un chagrin. Et note bien, Hubert, c'est pas tant parce que je couche avec Gisèle. Non, ça me ferait plutôt plaisir. Mais seulement à la pensée qu'un jour, tu pourrais te douter. Oh, et vois-tu qu'un cochon vienne tout te raconter? Oh. Alors ça, mon vieux, ça. Mais voyons, Henri, ce n'est pas vrai. Tu mens. Non, on est amants, mon vieux. Oh. On est amants. Ça a commencé dès mon retour de Ceylan. Oh, mais au moins... Crois-moi, mon vieux, crois-moi. Dis-moi que tu me crois. Oh, nom de Dieu. Non, non, non, ne t'énerve pas, Hubert. Faut rien exagérer. Elle t'aime aussi. Tu t'es pas oublié dans tout ça. Hein. Moi, je lui dis toujours, il y a Hubert. Et puis après, sais-tu ce que je lui dis? Je lui dis, il y a Hubert. Même, figure-toi qu'un jour, elle a eu le tout-pain de me dire, tu m'en parles trop, tu l'aimes plus que moi. Oh. Alors là, je lui ai répondu, je te jure que c'est vrai, Hubert, je lui ai répondu, toi, tu es jalouse de Hubert. Parce que on se tutoie quand tu n'es pas là. Oh, saligo, quand je pense à ce que j'ai été pour toi, à ce que j'ai fait pour toi dans la vie, toujours. La vie. Ne me parle pas de la vie. Quand je t'ai connu, Hubert, tu avais un petit col marin. Non, mon meilleur ami, j'avais tant de confiance. Crapule. On a fait sa première communion ensemble. Oh, canaille. Je te vois encore. T'étais gentil, tu sais, avec tes cheveux frisés. T'avais un petit cierge à la main, j'en avais un tout pareil. Et puis on a goûté chez toi. Puis tu as mangé toute la tarte à la crème. Mais ne pleure donc pas! Est-ce que je pleure, moi? Écoute, mon vieux. Ah, ne me touche plus, hein? Non, si, mon vieux, je veux que dans un pareil malheur, tu me sentes tout près de toi. Ah, ne t'approche plus ou je te calotte. Je t'adore. Non, physiquement, j'aime mieux Gisèle, mais moralement. Tiens, pour savoir combien on aime un ami, il faut le perdre ou le tromper. Oh, tu me paieras tout ça, saligo. Bon, le dîner. Tiens, les vêpres. Oh, je ne suis pas habillé avec ça au nom de nom. Je peux tout de même pas le faire sortir par un domestique, il est capable de tout raconter. Mais veux-tu pas pleurer comme ça? Veux-tu me foutre le camp? Alors viens. Non, mon vieux, non, ou alors à une condition. Non, nom de Dieu, les invités qui arrivent. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Écoute, dis-moi que tu m'aimes. Salaud. Non, dis-moi que tu m'aimes ou je pars pas. Je t'aime, là, je t'aime, voyou. Non, mieux que ça. Mais oui, là, je t'aime. Non, avec de la tendresse. Oh, je t'aime, là. Fous le camp maintenant. Non, Hubert, je t'en supplie, embrasse-moi. Ah, ça? Embrasse-moi ou je me couche sur le tapis. Oh, tiens, cochon. Eh ben, mon vieux, après ce baiser-là, tu peux être tranquille. Ta femme, je la quitterai jamais. Eh bien, qu'en dites-vous? Évidemment, l'imitation est claire, la situation est identique. Mais dans quelle pièce moderne se trouve cette scène-là? Dans Les Vignes du Seigneur, une charmante comédie de Robert de Flers et de Francis de Croisset. Les auteurs ne se sont d'ailleurs pas cachés de l'emprunt fait par eux à Collet. Oh, c'est égal. Quoi? Ils ont eu raison. Les classiques en ont fait bien d'autres. Dans la série des pièces oubliées, une émission de Bernard Zimmer, vous avez pu entendre « La vérité dans le vin » de Charles Collet. Voici quelle en a été la distribution. Bernard Blier était le président Nacquart. Germaine Montero, la présidente Nacquart. Raoul Marco, Monsieur Dupuis. Raymond, Madame Dupuis. Obradi, Miller Cinderez. Claude Arlet, le maître d'hôtel. Et René Clermont, l'abbé Kensington. Ont participé également à cette émission Huguette Muller et Bernard Zimmer. La scène des Vignes du Seigneur était interprétée par Bernard Blier et René Clermont. Assistante de production Suzanne David, prise de son Jean-Jus Forgue, réalisation Henri Soubéran.